Depuis quelques semaines, tu te laisses pousser la barbe. Tu portes des Marcel, des polos Fred Perry. Tu fais beaucoup de gym, tu mets des jeans trop petits. Tu sais, ta mère et moi, on se fait du souci. Malgré ton crâne rasé et tes piercings un peu partout, quand tu danses sur Beyoncé, tu déhanches quand même beaucoup. Et quand tu vas à la piscine, est-ce que c'est vraiment pour nager? Tu sais, ta mère et moi, on sait plus quoi penser. Tu veux travailler dans la mode, il n'y a pas de saut métier. Ça serait quand même plus commode si comme moi tu étais plombier. Et comme tu nous ramènes jamais de copines à la maison, tu sais, ta mère et moi, on se pose des questions. Non, non, tu n'es pas normal, Delphine. Prends donc exemple sur tes cousines qui mettent des robes de princesse pour jouer à Polly Pocket. Celles qui ne vont pas à la messe font du poney tous les week-ends. Non, non, tu n'es pas normal, Delphine. C'est pas vraiment que ça nous chagrine, mais c'est quand même pas ordinaire. Pour expliquer ça aux voisins, tu dois tirer de ta grand-mère, celle qui était marin. Avec tes 115 kilos et ton mètre 85, c'est vrai qu'on s'inquiète pas trop quand tu rentres pas du week-end. Ta mère et moi on dort tranquille, je te prête souvent ma voiture. Avoir une fille solide, c'est vrai que ça rassure. Et tu nous ramènes parfois des garçons vraiment très mignons qui sont toujours vachement déçus quand tu enlèves ton pantalon. Je veux pas avoir l'air coincé, mais je voulais quand même te dire que moi, 11 ans et demi, j'étais moins dégourdi. Non, non, tu n'es pas normal, Delphine. Prends donc exemple sur tes cousines qui mettent des robes de princesse pour jouer à Polly Pocket. Celles qui ne vont pas à la messe font du poney tous les week-ends. Non, non, tu n'es pas normal, Delphine. C'est pas vraiment que ça nous chagrine, mais c'est quand même pas ordinaire. Pour expliquer ça aux voisins, tu dois tirer de ta grand-mère, celle qui était marin. Pas normal, Delphine. Prends donc exemple sur tes cousines qui mettent des robes de princesse pour jouer à Polly Pocket. Celles qui ne vont pas à la messe font du poney tous les week-ends. Non, non, tu n'es pas normal, Delphine. C'est pas vraiment que ça nous chagrine, mais c'est quand même pas ordinaire. Pour expliquer ça aux voisins, tu dois tirer de ta grand-mère celle qui était marin.